Encore un son sorti du corps plat, mes rimes sont à la traîne. Je trouve plus la paix dans le fond de mon rêve, l'humeur est à la trêve. C'est plus la même depuis que ma tour d'ivoire est cassée. J'ai grandi sous un ciel de pluie, l'hiver est passé. Le temps assassine les keufs aussi, mon ref y'a plein de bavures. Pleurs infacines, des bafacistes, des vices et pas de ravoir. Je les vois des toits, toutes les étoiles, je suis fait de faux padratures. Je suis sur la toile mais je me lève tôt, je rentre la gueule plein de peinture. Rentrer tard parce que ma vie c'est mécanique et mœurs. Le cœur en morse, une dernière clope, la flamme du briquet meurt. Changer la donne, des rimes, des sons, j'y restera plus que des cendres. L'hiver est gris, le sol est scouche, j'y restera plus. L'estomac ravagé de la veille, les paupières lourdes, les yeux rouges. Ça, on a ramassé de la merde, des regards louches qui se demandent d'où je sors. Trop de fois, on a pris la douche froide, décroche pas. T'appelles à l'aide, ça décroche pas, et gros, je parle. Vrai en connaissance de cause, j'ai l'écrou, l'essence, le coffre. Après l'apéro, un appel au j'taille. S'il y a pas d'héros, ni la vue du trocadéro. On a ressorti l'écrou, trop tracam. Si tu pars, embrasse tes gros et gros. J'ai du seum sous la langue. Un coup tout fade ici, on remercie les soignants. À coup de ton faille, puis merde, tu rentres pas dans les critères. La douleur est idem, si on t'aime pour ta couleur d'épiderme. J'ai grandi, j'ai appris, j'ai vu que le temps nous séparait. J'ai toujours un œil sur l'avenir, les deux pieds sous la verse. A chacun son histoire, mais toi et moi c'est pareil. Je me suis retrouvé seul sur la route, des ratures sur ma feuille. Je garde hier dans la même mort. J'ai plus la même vision, mais je suis toujours le même. Je tourne les pages de la vie, moi. J'ai changé mes attentes mais je suis resté. Plus que la caisse tient plus la route, j'arrive en planant comme le doute. Venu faire cramer la bosse, tu veux la dose, t'auras le double. On vit dans un monde à part et fout le bordel dans ton appart. T'es mal équipé, comment ça tisse, comment ça pisse, comment ça parle, on se barre. Je peux plus becter ce monde, embrasse la tête, mec monte. Mets deux princesses dans la caisse pour que la peine s'estompe. Pareil que la détresse compte, même quand la poisse se passe. Pour qu'à lâcher des taches rondes sur la table basse. J'buse la santé avec des tubes et du tabac dégueu. De l'alcool pas cher, un taf qui stresse ou du taga terreux. Je ferai de mon mieux et je me passerai de vos avis. Même si papa force l'apéro, souvent s'endort avant sa fille. Ça rôde sur la 25 à 4 du mat, le moral arrosé. C'est pas les angles mais les faits de moi qui si les frères souhaitent arrondir. On se voit grandir, c'est cheat, le foot, le rap, l'usine, les grandes études. L'avenir une roulette russe, un grand sécu qui a brisé de grandes études. Que le vent m'emporte, on se refait pas dur de partir sans regret. Adieu on s'en remet, on resserre un verre car y'a pas sans remède. Artino dit pétard, ça refait le monde où ce qui pétard. Viens voir j'ai les réponses, tu trouves pas sur Wikipédia. Dans l'immédiat les nuits sont courtes, mes rêves sont mornés. Bordel, des pensées noires un ange, seul qui te porte, l'œil c'est mort mais. Faut s'accrocher, prier dans le noir ou boire la tasse cul sec. On se casse d'ici un dernier tour avant le casse du siècle. Ouais ça trime le sang ma rage. Mais je m'agrippe et ma race me chagrine en chaque rime ressent ma rage. La vie de palace c'est tout, c'est pas mon but. Et puis n'en parlons plus. Ouais je me balade mais tout c'est pas mon but. Dès que le passé je réparerai, j'irai paral. Embrasser le brasier je réparerai l'irréparable. J'ai pris cher sans Jérémia de pardon. Je m'allumais, comment faire la lumière sans Jérémia de pardon. Ce monde est carnivore mais qu'en dites-vous. Ils m'ont dit fou, ouais c'est vrai qu'on renie fort. Mais qu'est-ce qu'on y fout. On se bute sous collage tout ce qu'on a. Que croit la chronique son collab, connard. J'ai grandi, j'ai appris, j'ai vu le temps nous séparer. J'ai toujours un œil sur l'avenir, les deux pieds sous la verse. A chacun son histoire, mais toi et moi c'est pareil. Je me suis retrouvé seul sur la route, des ratures sur ma feuille. Je garde hier dans la même mort. J'ai plus la même vision, mais je suis toujours le même. Je tourne les pages de la vie, moi. J'ai changé mes attentes, mais je suis resté le même.